rentrée. Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is an historic agreement. Cette semaine, l'affaire des fonds en déshérence. Deuxième partie. Vous avez eu l'immense bonheur d'échapper à la guerre. Votre situation géographique y est pour quelque chose. Votre courage pour plus encore. Crise, règlement et eau de boudin. Là, c'est une bataille idéologique. Une histoire qui ne passe pas. Nous savons que l'histoire n'est pas une science. Personne n'est assez insensé pour comparer les pertes suisses à celles des autres pays d'Europe. Ces gens ont vécu l'enfer des camps et en plus, ils terminaient leur vie dans une misère noire. Je regrette avoir blessé vos sentiments personnels et ceux d'autres personnes. Refuser notre histoire telle qu'elle est, c'est abdiquer notre responsabilité. À part quelques problèmes de communication, je ne vois pas de faute du Conseil fédéral. Vous devez profiter de cette fenêtre ouverte sur un monde qui crie à l'aide. Chapitre 9. Esprit de synthèse. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Eh bien, je m'appelle Pietro Boschetti, j'ai une formation d'historien, et depuis plus de 30 ans, 35 ans, j'exerce le noble métier de journaliste. Je travaille depuis une vingtaine d'années à la télévision suisse romande, RTS, Radio-Télévision Suisse, dans l'émission Temps Présent. Voilà. Pietro Boschetti, nous nous occupons avec Jean-François Berger depuis maintenant quelques jours, quelques temps même, pourrait-on dire, d'une série consacrée à l'affaire des fonds en déshérence. Vous, cette affaire, vous avez forcément énormément de connaissances dessus. Vous concernant, vous allez vous atteler à un travail colossal d'une synthèse, à savoir réduire 11 000 pages à quelque chose de, disons, plus digeste, plus populaire, plus grand public. On vous imagine à la fois plongé sur quantité de pages, quantité de documents, mais on imagine aussi, peut-être allez-vous nous détromper, que vous passez aussi par des entretiens, des rapports notamment, des contacts, des entretiens, des interviews, des discussions avec certains qui ont fait partie de la commission d'experts indépendants. Qu'en est-il ? Ou d'autres d'ailleurs ? Le premier problème était en somme, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? Parce qu'évidemment, vous avez deux choix. Hein. Soit vous résumez la totalité du rapport de 11 000 pages et vous arrivez à quelque chose de pas très intéressant parce que très superficiel sur tous les thèmes abordés, ça vaut franchement pas la peine. Et j'ai fait un autre choix, j'avais carte blanche, je faisais les choix que je voulais. J'ai fait un autre choix, c'est entre les thèmes qui ont passionné l'opinion publique ou sur laquelle l'opinion publique s'est beaucoup mobilisée ou s'est beaucoup intéressée d'une part, et les thèmes qui, sur le plan historiographique, me semblaient importants parce qu'apportant vraiment beaucoup de nouvelles connaissances, en particulier tout ce qui concerne la place financière, hein, puisque, comme vous le savez, la commission Berger a eu le privilège, le secret bancaire a été levé pour la commission Berger, donc ils ont eu accès aux archives des instituts privés, des banques privées, ce qui a permis de revoir complètement la vision qu'on avait de la place financière suisse. Donc j'ai fait le choix entre ça, donc il y avait des thèmes qui s'imposaient d'emblée, le refuge, c'est-à-dire la politique d'asile, qui a, pour de très bonnes raisons d'ailleurs, occupé vraiment l'opinion publique, débat hyper controversé, ça l'est toujours, donc de toute façon, j'allais l'aborder. Et il y avait l'histoire de l'or allemand qui avait également énormément impressionné l'opinion publique, toujours pour de bonnes raisons d'ailleurs, donc ça aussi j'allais l'aborder. Ensuite je voulais aborder l'aspect économique et financier, les chapitres que j'ai réorganisés moi-même, et je voulais aussi, parce que c'est très intéressant, ça faisait partie du mandat de la commission Berger, l'après-guerre, c'est-à-dire ce qui se passe après, comment la Suisse va, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'était pas du tout la première fois qu'on demandait à la Suisse des comptes, hein, c'est-à-dire, et comment la Suisse a géré ce lourd passé, cet héritage terrible. Personne n'est assez insensé pour comparer les pertes suisses à celles des autres pays d'Europe. Mais personne ne peut contester que des Suisses ont des créances à faire valoir sur l'Allemagne. Et alors nous nous sommes trouvés à la fin de la guerre en face d'une situation tragique, en ce sens que nombre de ceux qui étaient chez nous n'ont pu rentrer chez eux. Il me semble qu'on exagère, qu'il y a trop d'étrangers. Est-ce qu'on ne peut pas inviter poliment mais fermement un certain nombre de ces réfugiés à prendre plus rapidement le chemin d'outre-mer ? Pietro Boschetti, puisque vous avez eu l'occasion de vous entretenir auprès de Jean-François Bergier, avez-vous eu l'occasion avec lui d'évoquer ou d'avoir son sentiment de la situation de la Commission après l'accord bancaire de 1998 ? L'accord de 1998, donc des banques avec les plaignants et le milliard et quelques qu'ils mettent sur la table à distribuer est un tournant dans l'histoire de la Commission Bergier, on va dire. À partir de ce moment-là, il y a une espèce d'effet ras-le-bol qui commence à se faire jour, sur laquelle la politique a beaucoup joué, et les banques aussi d'ailleurs. Ça faisait 2 ans qu'on nous casse les pieds avec cette histoire, que la Suisse est au banc des accusés et tout. La pression, l'opinion publique diminue, c'est pas a priori un mal, mais l'intérêt diminue. Et c'est ça le problème. Le climat politique majoritaire à ce moment-là, c'était de dire, bon, maintenant, on tourne la page. Alors, les historiens venaient à peine de commencer leur travail, 2 ans qu'ils travaillaient. Donc, ils n'avaient pas à peine commencé le travail que certains, et notamment la majorité politique de ce pays, n'avaient qu'une envie, c'était de reclore le débat. C'est ça, cette situation un peu paradoxale et très désagréable. C'est qu'en fait, là, la Commission Bergier devenait les empêcheurs tournés en rond, quoi. Alors qu'ils n'avaient aucun désir de l'être, hein. Ils voulaient simplement faire leur travail comme on leur avait demandé. Vous savez, avec les archives, ce qui s'est passé. Donc, la Commission Bergier a eu ce privilège d'avoir accès à toutes les archives qu'elle jugeait nécessaires. Elle voulait, c'était sa proposition, que ces archives restent, soient archivées aux archives fédérales, avec les règles habituelles des archives. Malheureusement, le Conseil fédéral n'a pas suivi l'opinion de la Commission Bergier, et toutes ces archives sont retournées aux entreprises, et les copies ont été détruites. Maintenant, pour ce qui concerne les témoignages oraux de ces personnes, à ma connaissance, ils doivent exister encore. Alors, où, je ne sais pas. Précisément sur ce point, nous n'avons pas encore complètement saisi. Il y a un préalable qui, effectivement, le Conseil fédéral dit les archives devront être revenir à leurs propriétaires et les copies également. Mais est-ce que c'est soldé une fois pour toutes ou c'est en chemin que, si j'ose dire, la porte se referme de plus en plus jusqu'à ce que ça soit définitif? Les archives dont on parle, ce sont des archives privées. Ils ont l'obligation, à ma connaissance, de garder ça pendant 10 ans. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Il y a des entreprises qui ont ce souci et qui gèrent intelligemment et professionnellement leurs archives, et d'autres pas. Quand la Commission Bergier commence à travailler, justement, qu'elle arrive dans les archives, ça, je me souviens très bien, c'est Jean-François Bergier nous le racontait, ils ont tout vu. Ils sont arrivés dans certaines entreprises, eh bien, il y avait le concierge qui les attendait, elle donnait la clé de la cave, puis il dit, voilà, les archives sont là, puis vous avez une montagne de classeurs fédéraux, etc., puis il fallait commencer à enlever la poussière et les cadavres de souris. Et d'autres entreprises qui, pour x, y raisons, et puis c'est tout à leur honneur, disposent d'archives extrêmement bien organisées et tout. Voilà, maintenant ces archives sont revenues, ben elles sont soumises, disons, au droit commun, c'est-à-dire c'est des archives privées, les privés en font ce qu'ils veulent. Malheureusement, parce que pour moi c'est du patrimoine. Mais je n'ai pas encore totalement saisi si la décision qu'elles reviennent à leur propriétaire est une décision immuable qui est prise au moment où commence les travaux de la Commission, ou si en chemin la Commission essaye tout de même oui. Que... voilà. En chemin, la Commission essaye. Si vous voulez, le deal, parce qu'en gros c'est un deal, et le suivant, la Commission a accès aux archives des entreprises privées, banques, assurances, etc. On leur promet de restituer, bien entendu, les archives. Alors toute la question ensuite se posait, qu'est-ce qu'on fait des copies? La Commission Bergier voulait les garder et les gérer comme des archives. Quitte à mettre un temps de latence plus long, tout ça, ça peut se discuter, mais de les garder, les copies, non pas de les restituer aux entreprises, parce que là, on risque de perdre toute trace. Ça aurait été une garantie. Là, ils ont un réflexe d'historien compétent. Ils savent bien que les archives, ça doit se gérer professionnellement. Et encore une fois, certaines entreprises le font, d'autres le font pas, parce que ça les intéresse pas. Donc, on a pris le risque, et je trouve ça, en vrai dire, inadmissible, le Conseil fédéral a pris le risque dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne pourra même plus revenir sur cette histoire. C'est lamentable. Le Conseil fédéral a-t-il été unanime sur cette décision, à votre connaissance? Aucune idée, ça m'étonnerait. Je suis sûr qu'au moins une personne a voté contre. Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. par rapport à ce qu'on nous a raconté quand on était petit, ça correspond pas trop. Parce que moi, ce que j'ai entendu quand j'étais petite, c'était ma grand-mère qui me disait qu'elle allait à la frontière, puis qu'elle allait aider les Juifs, et puis voilà, quoi. C'est un peu normal, en fait, parce que depuis des années, la Suisse n'est pas vraiment solidaire du reste du monde. Elle n'est pas dans l'ONU, elle n'est pas dans l'Europe. Tout ça, ça fait que je pense que les autres pays veulent faire payer un peu cette image de la Suisse. Peut-être que s'il n'y avait pas eu d'Amlatou, ça aurait pas commencé, et au moins que ça commence quelque part. Et même si je suis suisse, ça me fait plaisir qu'on nettoie un peu le passé de la Suisse. Avez-vous eu l'occasion, Pietro Boschetti, d'aller voir les chères têtes blondes, autrement dit les enfants, les ados, avec ce travail de synthèse? Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ça? Oui, c'est extraordinaire. Et il se trouve que depuis que j'ai publié ce livre, effectivement, j'étais invité très régulièrement, alors maintenant un peu moins bien sûr, parce que ça fait un certain temps, mais 2-3 fois par année, par des professeurs qui utilisent l'histoire souvent, qui utilisaient mon livre, et j'en suis très fier, utilisaient mon livre dans leurs cours d'histoire, et puis proposaient le travailler en classe, par exemple, ou que sais-je, et me proposaient de venir en parler avec ces classes. Alors ça pouvait être des pré-ados à adolescents entre 14 et 18 ans, on va dire. Ben, je fais ça avec un énorme plaisir, parce que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ces jeunes qui n'avaient pas connu, je parle pas de la guerre bien entendu, mais de tout le climat de la polémique, etc., découvrent ça et comment ils l'abordent avec une certaine fraîcheur, mais dans le meilleur sens du terme, sans franchement d'a priori, quoi. Et toujours en posant des questions d'enfants ou de jeunes, mais ô combien pertinentes. Il y a, comme je dis toujours, il y a pas de questions stupides, il y a que des réponses qui peuvent l'être. Ils s'intéressent aux questions de fond. L'asile, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pourquoi on a refoulé des gens, est-ce qu'on savait qu'en les refoulant que... Alors là, par exemple, quand on a cette discussion sur la politique d'asile de l'époque, évidemment, ça peut rentrer en écho avec la politique d'asile aujourd'hui, hein, dont l'actualité peut être brûlante. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'ils réfléchissent à ça tout en étant attentifs à ce qui se passe autour d'eux via ce qu'ils voient dans les journaux, dans les médias ou les discussions qu'ils ont en famille. On sent ça, on sent les arguments qui sont des arguments évidemment d'aujourd'hui, et c'est tout à fait normal. Alors c'est intéressant de pouvoir débattre avec l'avantage d'une certaine mise en perspective, une certaine distance, et de surtout discuter des effets de cette politique d'asile de l'époque. Et ça, ils sont très très intéressés par ce genre de choses. Oui. Mais vous connaissez, vous en êtes vous-même, ce très mauvais penchant des médias à aller voir s'il n'y aurait pas le lait qui déborde quelque part ou un train qui arriverait en retard. Ça s'est pas engueulé devant vous à certains moments? Oui, ça peut arriver. Mais je veux dire, comprenons-nous, on s'est pas engueulé dans le sens où on se traite de nom d'oiseau. Non, mais ça peut donner lieu à des débats assez passionnés. Mais assez peu polarisé, hein, je dois dire. Franchement, il n'y a pas le camp qui a accroché bec et ongles à l'interprétation style chevalat, si j'ose dire, de l'histoire suisse et de l'histoire de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale versus la commission Berger. En somme, c'est un débat beaucoup plus intelligent. C'est ça qui me frappe, parce qu'en réalité, dans les classes, on a en fait des débats nettement plus, enfin, je trouve, plus intelligent, presque plus mûr, j'ai envie de dire, que dans certains bistrots et que dans certaines discussions auxquelles j'ai assisté de manière dans l'opinion publique, on va dire, ou avec des adultes, où on sent les vieux préjugés qui remontent à toute vitesse. Hein. Ouais, ça c'est une différence peut-être, oui, c'est vrai. J'avais une vision pure de la Suisse, c'est vrai. Terre d'accueil, pas forcément, mais des gens neutres, très objectifs, qui acceptaient, mais tolérants à la limite, mais avec ça, avec tout ce qui ressort, on se dit que, en tout cas au niveau politique et puis au niveau économique, il en a été autre pendant la guerre. Vous avez participé, Pietro Boschetti, à différents gâteaux d'anniversaire pour revenir sur le rapport Berger, 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, quelques-uns en tout cas, mais avec ce sentiment qu'il y avait toujours une sempiternelle question, c'est à quoi tout cela a bien servi. Avec un sentiment d'éternel hoquet. Est-ce que vous partagez ce point de vue, et y a-t-il toujours, et peut-être d'ailleurs vous avec le travail que vous avez fait, ce sentiment de travail non achevé, de fin en eau de boudin, de quelque chose qui devrait finir, mais qui ne finira pas. Je dirais deux choses. Autant je considère que le travail de la Commission Berger est absolument essentiel pour ce pays, et que ça a été une contribution d'une importance fondamentale pour ce pays, et autant je pense que dès l'exercice terminé, même avant que l'exercice soit terminé, on a fait tout ce qu'on a pu pour enterrer le rapport Berger de façon à ce qu'on n'en parle plus. Alors, on sait qui ? On, c'est la majorité politique de ce pays qui est de droite et qui est largement influencée sur ce thème et aussi sur d'autres par l'UDC, le premier parti de ce pays. L'UDC a parfaitement le droit de défendre son point de vue, c'est pas le problème, hein, c'est pas pénal. Je rappelle d'ailleurs que pendant la discussion, le seul parti, il faut dire qu'il avait les moyens financiers pour le faire aussi, mais le seul parti qui a publié un tout ménage et distribué à tout le monde sur la question de la guerre, c'est l'UDC, c'est sous la plume de Christophe Blocher. Christophe Blocher qui donne sa vision des événements, qui est évidemment à l'opposé de celle de la Commission Berger, seul parti qui l'a fait. Je vois là-dedans que c'est le seul parti qui a compris qui avait un enjeu politique là derrière pour aujourd'hui. Le seul parti qui l'a compris, malheureusement. Et ça, je suis absolument déçu par la gauche, qui a été incapable de comprendre qu'il y avait, au-delà de ces débats d'historiens, un véritable enjeu politique dans ce pays et qui nous concerne. Donc, le problème, c'est que cette majorité-là, largement influencée, voire dominée par l'UDC, eh bien, ils ont gagné la bataille. Le rapport Berger a été enterré, on n'y fait plus tellement référence, et puis on a même tendance, quand on écoute certains, à croire que ce fut un exercice inutile, voire nuisible. Et je pense qu'il y a un retour de flamme, oui. Il y a un retour de flamme par rapport à cet appétit d'histoire dont on parlait tout à l'heure, lorsque les choses commencent à émerger. Aujourd'hui, on est presque revenu, j'exagère un peu, mais j'ai tendance à exagérer, mais on est presque revenu à la situation d'avant. Parce que peut-être que ça nous met trop en question x, y raisons. Le fait, c'est que la majorité politique de droite de ce pays, sur ce plan-là, comme sur bien d'autres, a gagné cette bataille. Et j'avoue que ça me fait mal au ventre. Moi, j'estime aujourd'hui que les travaux de la Commission Berger, eh bien, ce sont eux qui sont en déshérence. La société civile, la population, a continué, même après août 98, à manifester de l'intérêt pour les recherches que nous poursuivions. Et au moment où le rapport est sorti, publication en mars 2002, il y a tout de même eu un intérêt assez considérable et qui continue, comme par exemple le livre de Pietro Boschetti et succès de ce livre en témoigne. Mais il est vrai qu'en août 98, le deal des banques avec les Américains a opéré un retournement de situation de la part de nos partenaires, si je puis dire, dans la recherche, c'est-à-dire la classe politique et surtout les milieux économiques, et qu'après avoir été salués comme les sauveurs de la patrie, nous étions tout à coup devenus l'ennemi public numéro un pour certains. Mais pas pour tous, je tiens quand même à le dire. Avez-vous eu l'occasion, Pietro Boschetti, de vous entretenir avec des politiques sur ce sujet ? Oui, des politiques que je connais, mais jamais vraiment sérieusement comme ça. Mais je vois bien vos réactions. En fait, c'est comme si vous parlez avec quelqu'un même animé des meilleures intentions du monde, hein, et tout, mais qui vous écoute poliment, mais qui comprend pas vraiment pourquoi vous revenez sur cette vieille histoire. Et voilà, c'est lamentable. Mais sur ce plan-là, Jean-François Berger était très, très amer. Je sais de quoi je parle, j'en ai longuement discuté. Il en parle dans ce livre d'entretien que j'ai fait avec Bertrand Muller. C'est un livre d'entretien avec Jean-François Berger sur toute sa vie. L'éditeur. Édité aux éditions Zoé, celui-ci aussi. Et il y a un chapitre qui est consacré à la Commission Berger. Et il dit, noir sur blanc, à quel point il est déçu de la réception des politiques lorsque le rapport est terminé. Mais vraiment déçu. Il avait été plus ou moins évoqué qu'une fois le rapport déposé, il y aurait un débat, non pas pour dire le vrai du faux, mais un débat sur les résultats, sur cet extraordinaire débat historique qui s'était enclenché et tout. Jean-François Berger et d'autres membres de la commission ont participé à une des séances de la commission qui était censée préparer ça, et ils en sont sortis concernés. Les questions étaient lamentables, quoi. Je veux dire, rien à voir avec les questions de fond, puis surtout la décision était non, mais il n'y a pas besoin d'avoir un débat. Donc imaginez un pays qui a été déchiré, traversé pendant des années par des débats très forts, et à la merci de n'importe quelle extravagance d'ailleurs, parce qu'il y avait tous les bruits qui circulaient à l'époque, que des déportés étaient passés par la Suisse, etc. Enfin, tout et n'importe quoi. Là, on a enfin un matériel travaillé par des historiens sur lequel on peut avoir un débat serein, parce qu'il n'y a pas besoin de s'empoigner. On peut avoir et on peut ne pas être d'accord, bien entendu. Et que fait ce pays après, alors qu'il a, il s'est livré à un travail d'histoire et de mémoire quand même assez remarquable? Eh bien, ce pays décide, eh ben, bon, très bien. Eh ben, on va passer au point suivant de l'ordre du jour. Comme s'il n'y a, il ne s'y était rien passé. Donc, c'est pas mort. Je suis pas en train de dire que c'est mort. Mais le rapport de force, si vous me permettez cette expression, n'est pas en faveur du rapport Berger. Pietro Boschetti, je voudrais juste revenir sur la question de la commission elle-même. La commission Berger, donc, qui est une réponse exceptionnelle à la situation exceptionnelle. Est-ce que vous vous êtes penché un peu sur la difficulté de garder une indépendance? Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est composée la commission Berger une fois que Jean-François Berger a été désigné et qu'il a accepté le rôle de président de la commission? Oui, la commission s'est auto-constituée, donc c'est pas le Conseil fédéral qui dit vous allez prendre machin, et puis voilà, non pas du tout, c'est Jean-François Berger a monté son équipe, si j'ose dire. Donc il avait beaucoup de contacts sur le plan international, parce qu'il a longtemps participé à l'Association internationale des historiens de l'économie. Là, et puis il fallait avoir un panel de spécialistes qui puissent couvrir les questions qui avaient été définies. Et donc, sur la composition humaine de la commission, il y a la garantie que c'est le choix de son président. Mais il y avait en plus une autre garantie pour l'indépendance de la commission, elle est très importante, c'est que le Conseil fédéral s'était engagé à, quoi qu'il en soit, publier les résultats de la commission indépendante. Il voulait juste pouvoir en prendre connaissance avant qu'on rende public le rapport, ce qui peut se comprendre, mais il s'était engagé que, de toute façon, il publiait. Et il y a eu à plusieurs épisodes, vous vous souvenez peut-être de l'inénarrable Thomas Borer, le diplomate en chef qui n'avait qu'une envie, c'est qu'on parle le moins possible de la commission Berger, qui à différentes reprises lors de conférences internationales a essayé de faire en sorte que la commission Berger, enfin que son président, Monsieur Berger, n'ait pas droit à la parole ou pas vraiment, qu'il retire certains textes parce qu'ils avaient fait des communiqués qu'ils avaient fait, etc. Jean-François Berger a tout de suite réagi, appelé le Conseil fédéral, Monsieur Coty, paf, boum, et puis voilà, c'était réglé, quoi. Donc oui, je crois que les garanties étaient là, oui. Le rapport Berger est resté en travers de la gorge du conseiller national UDC Lutzi Stamm. Depuis des années, à longueur d'articles et de brochures, il en conteste le résultat et fustige les péchés mortels de la commission. L'Argovien coordonne les efforts d'une kyrielle d'associations marquées à droite et revendiquant 25 000 membres. Un lobby anti-Berger. Certainement pas contre M. Berger personnellement, mais contre son rapport, contre les parties principales de ce rapport. Nous luttons et là, nous sommes un lobby. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de ces 12 000 pages du rapport Berger? Il faudrait les laisser à côté, les oublier dans un certain sens. Qu'ils prennent la poussière et qu'ils partent dans une bibliothèque. Oui. Moi, je suis encore flatté qu'il trouve que la place soit dans une bibliothèque. Il aurait pu la mettre ailleurs. Oui, c'est dur, mais bon, ça ne m'émeut pas. Je sais qu'un certain nombre de personnalités du monde politique ou même du monde académique sont et restent obstinément hostiles à ce rapport et au travail que nous avons accompli. On essaye surtout d'éviter que cette tendance du rapport Bergier trouve le chemin dans les écoles. Lorsque l'on modifie quand même de manière assez substantielle l'image d'un pays, il y a toujours une arrière-garde qui défend par tous les moyens l'image qu'il en a gardée. Et ils ont en effet cherché à bloquer un certain nombre d'initiatives tendant à mieux faire connaître le travail que nous avons accompli. Dernière question, Pietro Boschetti. Vous avez évoqué un camp politique qui a ou aurait repris la main finalement ou gagnerait par curieux rebond. Selon vous, est-ce que ce clivage est essentiellement, voire uniquement politique ou il raconte autre chose de ce pays ? Il raconte tout autre chose de ce pays. C'est pas un problème historiographique. C'est pas une querelle d'historien. Là, c'est une, ce que j'appelle moi, alors j'exagère peut-être, une bataille idéologique. L'UDC, mais elle s'en cache pas, hein, donc je suis pas en train de trahir de je ne sais quel secret. L'UDC se réfère à une Suisse mythique qui est la Suisse de nos ancêtres, pour faire simple, avec cette image proprette et tout et tout et tout. Et par rapport au comportement de la Suisse pendant la guerre, se réfère au narratif qui était celui que j'ai connu quand j'étais à l'école, c'est-à-dire il y a 40 ou 50 ans. Narratif, on va dire, pour ceux qui connaissent, qu'on retrouvait dans le fameux bouquin de Chevalard. Enfin, et n'en démord pas, c'est-à-dire que la Suisse a fait tout ce qu'il fallait, elle était neutre, donc voilà, etc., etc. Ce narratif-là ne tient plus du tout sur le plan historiographique, il n'a à peu près aucun sens, je connais plus beaucoup d'historiens qui s'en réfèrent, et la commission Bergier, mais pas seulement, il y avait des tas d'historiens qui avaient commencé quand même à travailler et à raconter une autre histoire, mais en détruit complètement cette vision de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est cohérent avec l'idéologie que représente ce parti, que ce parti veut défendre. Alors au-delà de l'idéologie, si on plonge dans l'identité du pays, et d'une population, en sachant qu'évidemment, dès l'instant qu'on met identité d'une population, on est obligé de mettre un pluriel. Mais diriez-vous qu'il y a eu quelque chose qui a tout de même touché, pour parler de manière euphémistique, l'identité du pays ? Ah, j'en suis certain, ouais, c'est sûr. Si le débat a pris, c'est tellement emballé au niveau de l'opinion publique, ce que je trouvais plutôt positif, hein, parce qu'au moins on débat. C'est qu'évidemment, ça touchait assez profondément. C'était pas seulement l'ego de la génération, de la mobilisation et tout. C'était bien plus profond que ça. En plus de ça, dans une période où, disons, on était dans une situation, enfin, il y avait la question européenne qui divisait, il y avait une série de choses qui étaient, en somme, une période avec une certaine absence de repères, on va dire, et une certaine remise en question d'un modèle traditionnel de la Suisse. Pensez au secret bancaire ou à ce genre de choses. Donc oui, ça touchait profondément. C'est pour ça que c'est une des raisons qui fait que ça a pu prendre des aspects si explosifs à un moment donné. Et c'est pour ça que je pense et que je continue à penser que il y a dans le fond aussi un enjeu politique là derrière. Suivant quelle vision gagne, eh bien, tel ou tel parti se retrouvera dans une meilleure position que tel autre. Quand on pense quelle politique l'UDC propose en matière d'étrangers, et surtout en matière d'asile, évidemment, elle a tout intérêt à dire, mais nous, on a toujours été très bien, très propre, et puis la politique de l'asile pendant la guerre, c'était très bien. Enfin, là, voilà. Par exemple, là, il y a un lien direct. Hein. Si on réfléchit sur l'asile pendant la guerre, on peut réfléchir aussi sur l'asile aujourd'hui, hein, et pourquoi pas. Ça fait pas de mal. C'est pour dire un peu simplement les choses. Voilà où se cachent certains enjeux politiques, que cette droite qui est intelligente, hein, cette droite conservatrice est très intelligente. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est simplement des passéistes. Ils comprennent très bien ce qui se passe. A eu l'intelligence de comprendre que cet énorme débat qui a traversé la Suisse avait des incidences politiques et qu'il fallait donc ne pas le laisser comme ça. Et voilà, malheureusement, la gauche n'a pas eu cette intelligence. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Mais merci à vous. Thank you.